Beck. Le joueur de viol. Hé, hey, noire camiche au poil de touffe, crie un danseur. Va doucement, des chansons aux hussards qui pouffent, crie un second. Évitement, des sérénades pour ma brune, crie un tiers en bonne fortune. D'autres chuchotent au clair de lune comme à minuit l'officiant. Déjà tous les points du village se lèvent sur le vagabond. À qui plaire, à qui faire ombrage, auquel entendre du vallon. Sans tenir tête à leurs menaces, d'un air piteux il prie en grâce. Ah, que du moins on ne lui casse sa viole au doux son. L'un à l'autre, unis par Dieu même, ils vivent en heureux époux. Ils couchent avec celle qu'il aime sur un lit de paille jaloux. Il la couvre de sa capote, mi-effleurie et mi-manchotte. Il la mitonne et la dorlote dans ses coussins d'osier peu doux. Quand du soir la vive clochette du cœur a mûri les chansons, comme au sein d'or de la coquette il hâte les pulsations. Que son haleine a de délices quand sur sa poitrine qui plisse le bout du doigt court et se glisse pour réveiller les passions. La corde casse et puis tressaille. Il regarde son instrument, il se penche sur son écaille d'un air inquiet et dolent. Sa viole d'or, froide et muette, elle se pâme en sa couchette comme la mère qui, pauvrette, soudain voit mourir son enfant. Comme un vieux juif traîne sans honte partout ses galons, ses habits, comme un romain trouve le comte à brandiller ses plâtres gris, comme un savoyard sur l'épaule fait danser sa marmotte folle, ainsi s'entr'ouvre avec sa viole le barde brun tous les réduits. Voyez comme dans leur délire ils lui font voir plus d'un bras long. Ils frappent le fils de la lyre du bout de leurs grossiers talons. Sans tenir tête à leurs menaces, d'un air piteux, il prie en grâce. Ah, que du moins on ne lui casse sa viole au doux son. À la fraîcheur délicate, à la tendresse naïve de la pensée, s'ajoute chez Beck quelque chose de sauvage, de fier, qui rappelle le poète hongrois, Saint-René Taillandier.